On a tous des soucis, on a tous des obligations, on a tous des rôles qu'on doit jouer. Mais je vous pose une question. Si vous traversez actuellement une épreuve, un challenge, j'ai envie de vous demander combien de temps encore allez-vous vous faire consumer par peut-être quelque chose qui est extérieur à vous, quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui vous impacte. Soit, bien sûr, c'est normal d'être blessé par quelque chose ou de traverser une mauvaise période. Mais aujourd'hui, je vous demande de décider ce que vous voulez en faire. Voulez-vous transformer cette épreuve en une opportunité de changer de vie, en une opportunité de grandir, de vous développer peut-être professionnellement, peut-être personnellement, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce qui est en train de vous arriver? Et parfois, on a besoin d'être accompagné, d'avoir un mentor, un guide, un coach, ou bien un ou une bonne amie, histoire d'avoir un soutien. Parce que parfois, on traverse des épreuves qui nous paraissent absolument insurmontables. Mais ce qui est important de faire, c'est de décortiquer un petit peu tout ça et de vous rendre compte qu'au final, à l'intérieur de vous, vous avez la force. Oui, vous avez la force. Et si vous ne pensez pas l'avoir, alors vous allez travailler sur cette résilience dont vous aurez besoin pour avancer. Parce que ce qui vous est arrivé ne vous définit pas. Par contre, ce que vous allez en faire vous définit. Et ce que vous allez construire et votre futur vous appartient. Qui voulez-vous devenir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Osez aujourd'hui prendre la décision qui vous permettra de transformer vos challenges en votre plus belle réussite.